frère, aujourd'hui je viens rapper là où les vrais priment comme poteau def qui là derrière ces platines. Oh cousin, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que t'as la mauvaise mine, que devant la feuille tu freines des primes, t'es le mesquin. Vaut mieux que tu lâches l'affaire, dans le rap tu fais pas l'affaire. Ton stylo a les béquilles, ta feuille tu la dénigres. Et le micro s'ennuie, même ta go trouve c'est pourri quand tu pars du mongolerie. Après chacun tes freestyle, tu crois que des guns te taillent. Mais pour toi t'es pas taille, c'est tous des hypocrites et soi-disant amis. Tu rap pour les filles, le fric, nous contre les flics et merci. On a des raisons précises de contre l'état, le gouvernement et leurs lois. Faut que tu saches que dans ma voix y'a une armée qui se déploie. 97413, tous le même combat. On rap dans les cafés contre les câbles et sur les toits contre les pots comme toi. Frère, lève le poing, mets le major bien haut. Oh. Faut qu'on voie loin, qu'on esquive ces mythos. Hey. Respecte nos propres lois, c'est qu'y a qu'en nous qu'on croit. Oh. Dans le son des vrais, je viens te représenter. Hey. Frère, lève le poing, mets le major bien haut. Oh. Faut qu'on voie loin, qu'on esquive ces mythos. Hey. Respecte nos propres lois, c'est qu'y a qu'en nous qu'on croit. Oh. Dans le son des vrais, je viens te représenter. Hey. À sauce de mixtapeur, la tête des cassos. À la peste, monseigneur, fracture les portes closes. L'MP3 et les tests, droit comme ceux qui se testent. Les chances de réussir sont minces. Les yeux passent, tout se passe, on dépasse l'impasse. On décrasse les gars, on arrache leurs traces. On fracasse leur face, on a un taf, faut que ça le fasse. On a les vies pleines crasses, de la Réunion à Mars. Pas mal à être à la masse, car le passé fait tâche. Voilà pourquoi souvent ça se fâche et se retrouve dans un casse. Ou en rouforie au coin d'une rue, petite ou grosse part. Pas de différence pour le juge, il te collera en marche. Donc par, mais parle pas. Sinon c'est pas, m'entendre dans ce style. Je sais que c'est rare, fils, me faut que je décrive vite. Qu'obscur sont nos vies. Frère, lève le poing, mets le major bien haut. Oh. Faut qu'on voie loin, qu'on esquive ces mythos. Hey. Respecte nos propres lois, c'est qu'y a qu'en nous qu'on croit. Oh. Dans le son des vrais, je viens te représenter. Hey. Frère, lève le poing, mets le major bien haut. Oh. Faut qu'on voie loin, qu'on esquive ces mythos. Hey. Respecte nos propres lois, c'est qu'y a qu'en nous qu'on croit. Oh. Dans le son des vrais, je viens te représenter. Des gens qui rappent avec la harne, ou à chaque rime parle pas d'armes, et des fois rap en larmes. C'est le son des vrais. Pour ceux qu'on peut pas appeler balance et assume leur sentence. Pour ceux à qui on peut faire confiance, c'est le son des frères. Tous ceux qui ont le sang chaud et agissent de sang froid, laisseront jamais en galère un poteau et restent toujours droit. C'est le son des frères. Cousin, si comme moi, tu kiffes les soirées parking, où ta revenge en fume, ta voix, où tu serais d'être le king. C'est le son des frères. Ça pue à la one again, tous parlent sans gêne. Tu niques ceux qui règnent, tu veux tuer le roi pour baiser la reine. Mon frère, tu es comme moi. C'est le son des frères. Tous les quartiers bruyants, les yeux rougeants. Faut qu'on aille en avant, que l'état tombe dans cette hécatombe. C'est le son des vrais, c'est le son des vrais. Frère, lève le poing, mets le major bien haut. Oh. Faut qu'on voie loin, qu'on esquive ces mythos. Hey. Respecte nos propres lois, c'est qu'y a qu'en nous qu'on croit. Oh. Dans le son des vrais, je viens te représenter. Hey. Frère, lève le poing, mets le major bien haut. Oh. Faut qu'on voie loin, qu'on esquive ces mythos. Hey. Respecte nos propres lois, c'est qu'y a qu'en nous qu'on croit. Oh. Dans le son des vrais, je viens te représenter. Hey. Je viens te représenter mon frère. Oh. Sauce de mix, t'es peur. Hey. Pour DJ Def, qui là? Oh. C'est Manica. Hey. Ok, à l'ancienne mon frère. Oh. Représente tous les mecs cramés. Hey. Hardcore, représente les vrais. Oh. Toujours hâte de monter. Hey. Jusqu'au fond des chiottes de l'enfer, j'ai enfin trouvé un moyen. Un homme qui les